Le 22 août dernier, Éole, le dieu des vents, a pris son envol, ou plus exactement Éolus, le satellite européen développé par Airbus pour l'Agence spatiale européenne. Placé à 320 km d'altitude, il a pour objectif d'étudier les vents terrestres pour la première fois en trois dimensions et jusqu'à 30 km d'altitude. Ce grâce au LIDAR embarqué qui permet une précision dans la mesure jamais atteinte. Pourquoi est-il crucial aujourd'hui de mieux mesurer la puissance des vents terrestres? En quoi le réchauffement climatique peut-il affecter les équilibres dans la haute atmosphère? Et que va apporter Éolus à cette compréhension? Éolus, un satellite dans le vent, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à l'art complexe et raffiné de la mesure et de l'analyse des vents terrestres, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Cariou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche scientifique et technique chez Léosphère, qui est le leader mondial sur le secteur du LIDAR pour l'énergie éolienne et la météorologie. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Alain Dabas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe de météorologie expérimentale et instrumentale du Centre national de recherche météorologique, qui est un groupe de recherche mixte CNRS et Météo France. Vous pouvez nous écouter comme toujours sur les ondes de France Culture, peut-être en podcast, en décalé, mais toujours vous pouvez revenir à notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster tout au long de cette heure et bien des liens vers des articles, des schémas, bref, un certain nombre de sources auxquelles nous ferons référence au cours de cette émission. Alors on entend depuis le lancement de cette mission Éolus le 22 août dernier que c'est une première mondiale, ce satellite pour l'étude des vents, et pourtant un satellite nommé d'après le dieu des vents pour étudier la météorologie, c'était déjà le cas en 1971, rappelez-vous. Le programme Éole est une expérience qui est menée par le CNES, qui est pionnier en la matière, et c'est une expérience de météorologie avancée. Le CNES va lancer un satellite avec une fusée Scout cet été au mois d'août, et ce satellite va interroger 500 ballons équipés de répondeurs que nous fabriquons, et de cette interrogation, on pourra connaître à chaque instant la situation des vents, la température et la pression sur tout un hémisphère, c'est-à-dire qu'en fait, on sera peut-être à même de prévoir le temps avec un délai plus grand que celui que nous connaissons actuellement. Voilà, alors la technologie n'est évidemment pas la même, nous sommes en 1971 et vous allez me dire, nommer un satellite Éole quand on veut étudier les vents, voilà, il n'y a pas une grande forme d'originalité là-dedans, mais tout de même, il y a un gap technologique important, Alain Dabas, entre ces deux satellites Éole en 71 et Éolus aujourd'hui en 2018. Oui, évidemment, parce que à l'époque, visiblement, je connaissais pas Éole, hein, je découvre, mais de l'interview, je comprends que le but du jeu, c'était de lancer des ballons qui allaient dériver avec les vents dans l'atmosphère. Alors, est-ce que c'était à une altitude donnée précise? Et en tout cas, de recevoir leurs données par un lien satellite. Aujourd'hui, c'est un satellite qui va tourner autour de la Terre, comme tous les satellites, et qui va en permanence faire des mesures de vent directement. Il n'y a pas besoin de ballon à une altitude donnée pour faire la mesure en local et la transmettre. Là, on fait la mesure à distance. On est en télédétection. Alors aujourd'hui, puisqu'entre 71 et 2018, il y a évidemment plus d'une quarantaine d'années qui se sont passées, quels sont aujourd'hui les instruments dont on dispose jusqu'à présent pour mesurer les vents? Ils sont assez épars, il y a évidemment des satellites. Mais avant Éolus, quel est l'état des lieux, Alain Dabas? Alors, je vais partir du plus simple et essayer d'aller peut-être au plus complexe. Le plus simple, ce sont des anémomètres que tout le monde connaît. On en voit par exemple au bord des autoroutes. Donc, ils sont présents dans un très grand nombre de stations météorologiques dans le monde entier. Toutes ces stations, d'ailleurs, c'est un point à mentionner, échangent en permanence leurs données. Il y a une coopération entre tous les pays du monde entier pour partager ces données. On a des anémomètres aussi de même type sur un grand nombre de bouées qui sont sur les océans, dans une couverture relativement bonne. Après, si on veut avoir tout ça, c'est des mesures de surface. Si on veut avoir des mesures en altitude, on a des ballons sondes. Alors ça, ce sont des ballons gonflés à l'hélium. Là, on rejoint peut-être le projet Éole. Des ballons gonflés à l'hélium qui sont lancés d'un certain nombre de sites de par le monde. Donc ces ballons montent en altitude. font des mesures de température, d'humidité d'ailleurs, et on mesure la dérive de ces ballons et on en déduit le vent. Aujourd'hui, on a aussi pas mal de mesures grâce aux avions commerciaux, donc qui peuvent être équipés de systèmes qui permettent de transmettre l'information du vent. Ça, c'est essentiellement aux altitudes de vol et dans les couloirs aériens, donc très grande densité de données à certains endroits. Les altitudes de vol, c'est à peu près 10 km d'altitude, c'est cela ? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Et puis, de l'espace, on a déjà des choses. On a, sur les surfaces océaniques, on a des mesures à partir de ce qu'on appelle le diffusomètre. Ce sont des radars qui vont regarder l'état de surface de la mer. Et on sait que quand le vent souffle sur la mer, on a des petites vaguelettes qui peuvent se former, des rugosités, voire des vagues. Donc en regardant cet état de surface de la mer, on peut remonter également une information sur le vent. C'est une information qui est très précieuse aujourd'hui, puisqu'elle couvre bien des zones qui étaient moins bien couvertes avant, qui sont les océans. Mmh. Et puis sinon, on a toujours par satellite une mesure de vent, j'allais dire dérivée. Si vous prenez par exemple satellite météorologique européen Météosat, Météosat prend des images de la Terre à intervalles de temps réguliers. Je crois que c'est 15 minutes aujourd'hui. Mmh, ça, 15 minutes, même, ça. Ouais, ce sera même plutôt 5 minutes. Avec la prochaine génération de satellites, voilà, de Météosat qui vont être mis en orbite dans les mois à venir d'ailleurs. Mmh. Voilà, et donc si vous regardez les images successives, vous voyez des choses se déplacer. Vous voyez les nuages se déplacer et en mesurant par des techniques de ce qu'on appelle le flow, on peut mesurer les déplacements d'image en image et en déduire une vitesse. Là, la difficulté, c'est qu'on a une image et ce que l'on voit, le sommet des nuages, on ne sait pas à quelle altitude ils sont. Donc, il faut utiliser d'autres canaux infrarouges pour essayer d'avoir une idée de l'altitude où ils sont. Donc, voilà à peu près le panorama. Si on fait le bilan, pas mal de données, mais il y a des zones pas du tout couvertes. Par exemple, le Sahara, les pôles, zones désertiques, et puis au milieu de l'atmosphère, également peut-être moins de mesures. Et enfin, la haute altitude, au-dessus des avions, les ballons sondes peuvent aller un peu plus haut, peuvent aller à 20-30 km éventuellement, mais c'est quelques points de mesure, et sinon, au-dessus, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça, ce sont des mesures très ponctuelles, c'est ce que vous disiez, Alain Dabas, malgré toute cette batterie d'instruments pour mesurer les vents, il y a encore des trous, et des trous importants dans la raquette. Exactement. Mmh. Exactement, et dans des régions qui peuvent être météorologiquement sensibles. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui d'avoir une meilleure précision dans la mesure des vents terrestres ? Alors, la mission EOLUS, elle a d'abord été faite avec une idée en tête, c'était de pouvoir améliorer les prévisions météorologiques. Alors, pourquoi on a besoin d'observations de vent plus précises et surtout couvrant tout le globe pour la prévision météorologique? Il faut savoir que si on veut prévoir le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent, il faut d'abord être capable de dire le temps qu'il fait aujourd'hui. Et pas simplement une tête, mais sur l'ensemble du globe et sur toute la profondeur de l'atmosphère. Et c'est là où on a besoin d'observations. C'est toutes ces observations que l'on combine à travers une technique qu'on appelle l'assimilation, qu'on combine avec les prévisions qui ont été faites la veille. Avec tout ça, on détermine le meilleur état initial possible de la prévision pour les jours qui viennent. Et la qualité de cet état initial va évidemment impacter la qualité des prévisions. Si on fait une grosse erreur sur l'état initial, cette grosse erreur, elle va se propager. C'est peut-être important de préciser cela. On en a parlé plusieurs fois autour de cette émission, mais autour de cette table et dans cette émission, cette notion d'état initial, parce que calculer les vents, faire des modèles à partir du vent, ce sont des mathématiques très complexes. C'est le fameux battement de l'aile du papillon à un bout de la planète qui peut créer un cyclone à l'autre. Ce sont des systèmes qui sont très sensibles aux états initiaux. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos dans le langage mathématique, Alain Dabas. Oui, tout à fait. C'est le système atmosphérique est par nature chaotique. Ça veut dire qu'il y a un côté aléatoire dans son évolution, un côté imprévisible. Alors après, l'imprévisibilité, elle varie en fonction des phénomènes que l'on étudie. Si l'on s'intéresse à des phénomènes de relativement grande échelle, comme les dépressions qui naissent pour nous sur l'Atlantique et celui qui arrive en Europe, qui peuvent éventuellement causer des tempêtes, ce sont des objets qui ont des durées de vie plutôt relativement longues, ça se compte en jours, c'est ce qui fait qu'on peut faire des prévisions, aujourd'hui on fait des prévisions jusqu'à 15 jours, même au-delà, mais voilà, c'est ce qui fait qu'on peut essayer de prévoir relativement à l'avance ces phénomènes. En revanche, il y a des phénomènes qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup plus instables. Et là, je pense par exemple aux orages. Prévoir un orage, ne serait-ce qu'une heure à l'avance, c'est très difficile à cause de ce caractère chaotique de l'atmosphère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pour pouvoir être en mesure de faire des prédictions, on a besoin d'une image du temps présent, du moment T, la plus fine possible, précisément pour avoir un état initial le plus proche de la réalité possible, pour pouvoir ensuite dérouler des modèles mathématiques qui vont permettre d'envisager l'évolution de ce système initial. Exactement. Si on rate quelque chose, alors je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais... Si dans l'état initial, on ne met pas la dépression qui est en train de se former sur l'Atlantique, on sera incapable de prévoir l'arrivée de cette dépression sur les côtes françaises trois jours plus tard et la tempête qui va s'en suivre. Peut-être un dernier mot pour conclure cette introduction. Aujourd'hui, évidemment, les vents, quand on pense aux vents, on pense à la bourrasque de Mistral un jour sur le sud-est de la France. En fait, quand on parle des vents, on parle de grands courants atmosphériques et ces grands courants, ils sont assez bien modélisés aujourd'hui, Alain Dabas. On les connaît relativement bien, ces grands courants constitutifs de l'atmosphère jusqu'à la assez haute atmosphère terrestre. Alors oui, on les connaît bien. Alors on a des schémas de ce qu'on appelle le circulation générale. On y reviendra peut-être, mais on sait par exemple que à grande échelle, on a globalement plutôt la convection du côté de l'équateur, donc de l'air qui monte du côté de l'équateur, et puis cet air qui monte, faut bien qu'il aille quelque part, donc il va s'étendre vers le nord et, d'une part, et vers le sud, et ça va former des boucles, ce qu'on appelle des cellules. Il y a des vents qu'on connaît bien comme les alizés, etc. Jet stream qui est en altitude, lui, vers 10 km à peu près aux latitudes moyennes, et que les avions cherchent à éviter ou au contraire cherchent à se couler dans ce jet. Oui, on connaît assez bien tout ça et les modèles prévoient relativement bien tout cela, oui. Maintenant, il y a des zones de la Terre où c'est un peu moins vrai. Par exemple, équilibres qui n'existent pas. Alors, sous les tropiques, typiquement, il y a un équilibre qui n'existe pas ailleurs. Dès qu'on est en dehors des tropiques, on a des équilibres entre la variation horizontale de la pression, par exemple, et le vent, par le jeu de la force de Coriolis. C'est ce qu'on appelle un équilibre géostrophique, qui fait que, bon, avec cet équilibre, on réduit un petit peu le nombre d'inconnus dans les équations mathématiques et on prévoit un peu mieux. Sous les tropiques, cet équilibre ne marche plus. Et donc, disons de manière équivalente, il y a un peu plus inconnu et il y a des équilibres sur lesquels on peut pas jouer. C'est plus difficile du coup de faire des prévisions. Et pour le vent, ça veut dire aussi que dans ces zones-là, s'il faut aller les mesurer directement, on peut pas les mesurer à travers des mesures de pression ou de température, par exemple. Oui, parce qu'on peut rappeler que les grandes caractéristiques de l'atmosphère terrestre, c'est le vent, la pression, la température et l'humidité, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est les premières variables qu'on cherche à caractériser quand on veut caractériser l'atmosphère. Et un tout dernier mot, et puis on va passer à cette fameuse mission Eolus, mais ça nous permet de savoir un peu pourquoi et ce que va apporter Eolus justement à cette connaissance des vents. Peut-être quelque chose de tout simple. Finalement, vous avez évoqué la force de Coriolis, on a évoqué la pression atmosphérique, la rotation de la Terre, les mouvements du vent. Mais qu'est-ce qui génère exactement le vent sur Terre, Alain Dabas? Alors si la température de la Terre était homogène, c'est-à-dire qu'en gros si on prenait la Terre et qu'on coupe le Soleil, donc on est dans le noir sidéral, et ben au bout d'un moment il y aurait plus de vent, tout se mettrait à tourner à la vitesse de la Terre. Ce qui fait fondamentalement qu'il y a des vents à la surface de la Terre, c'est qu'il y a des différences de température, et la première différence de température elle est due au Soleil. Le Soleil est frappe de ses rayons mieux l'équateur que les pôles. À l'équateur, il faudrait dire l'équateur météorologique d'ailleurs, parce qu'il varie un petit peu avec l'inclinaison de la Terre. Mais il y a, vers l'équateur, les rayons arrivent perpendiculaires à la Terre et au niveau des pôles, ça arrive de manière très rasante. Donc la quantité d'énergie qui arrive par unité de surface est beaucoup plus faible au pôle qu'à l'équateur. Donc on a plus de chaleur à l'équateur, moins au pôle. Et donc ça crée des courants d'air, puisque l'air chaud. C'est ce qui crée les grandes circulations dont on a parlé tout à l'heure. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons des vents et plus particulièrement de la nouvelle mission satellite Eolus qui a été lancée à 320 km d'altitude en orbite de la Terre pour mesurer avec beaucoup plus de finesse ces vents terrestres. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Dabas qui est avec nous en duplex depuis Toulouse et ici Jean-Pierre Cariou qui est spécialiste du LIDAR qu'on va entendre dans quelques instants maintenant qu'on va parler justement de l'instrumentation de ce satellite. Alors on va s'intéresser justement d'un peu plus près maintenant à ce fameux Eolus et surtout à ses instruments embarqués, le LIDAR, qui doit permettre d'obtenir des mesures donc d'une finesse que l'on nous promette inégalée. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Atmos, à Guyancourt, au laboratoire Atmosphère, qui fabrique toutes sortes de LIDAR précisément. Des LIDAR terrestres ou des LIDAR spatiaux pour mesurer le vent sur Terre ou bien sur Mars. En tout cas, le principe reste à peu près le même dans tous les cas. Le LIDAR, c'est un laser qui utilise l'effet Doppler pour mesurer le vent. Il envoie dans l'atmosphère des pulses de lumière qui sont rétrodiffusées vers la source au bout d'un certain temps. Et c'est cette durée entre l'émission et la réception du signal qui permet de déduire la position et le déplacement des particules qui animent le vent. J'ai retrouvé Jean-François Mariscal, il est ingénieur de recherche au Latmos et il construit des LIDAR comme Aladdin et il sera surtout là pour aider les chercheurs après la mission dans l'analyse des données. Eolus va faire du vent, je crois, sur les molécules et sur les particules. Le principe, c'est très simple, on utilise une source laser la plupart du temps. Laser parce qu'on peut bénéficier de fortes énergies, de propriétés de la lumière qui sont assez particulières d'un point de vue spectral, d'un point de vue de leur polarisation, etc. Donc on va émettre ce faisceau de lumière dans l'atmosphère. Alors l'avantage du satellite, c'est qu'il ne reste pas au même endroit. Et il va permettre d'avoir une cartographie bien meilleure qu'un seul instrument basé à un seul endroit. Et donc tout ça permet ensuite aux scientifiques de rentrer toutes ces données dans leur modèle. Et... Alors concrètement, comment ça fonctionne le LIDAR? Parce que un vent, c'est un déplacement masse d'air. Alors ouais. Il faut d'abord comprendre que la lumière, c'est une onde électromagnétique, à la différence d'un sonar, par exemple, où ça va être une onde plutôt acoustique. Un radar, c'est également une onde électromagnétique, mais dont les propriétés sont, on va parler en termes de longueur d'onde, c'est des longueurs d'onde centimétriques, voire proches du mètre. Les LIDAR, c'est plutôt de l'ordre du nanomètre, donc presque un milliard de fois plus petit. Et justement, on va utiliser cette propriété de la lumière qui va interagir à distance avec les molécules ou les particules. Ces molécules et ces particules vont renvoyer de la lumière en direction de l'émetteur, et grâce à un collecteur, ni plus ni moins constitué par un télescope. On va juste collecter les photons, c'est un entonnoir à lumière. Et ces photons, on va ensuite les analyser. Il faut bien comprendre que quand on émet un signal laser dans l'atmosphère, tous les phénomènes de diffusion vont avoir lieu. C'est-à-dire que la lumière va interagir avec tout ce qu'elle va rencontrer. En plus, on a une information sur la distance, parce que on envoie souvent on utilise des lasers impulsionnels. Et comme on connaît la vitesse de la lumière, il suffit de mesurer le temps entre l'instant où on a émis ce pulse et l'instant où on le reçoit, pour mesurer la distance à laquelle il a été rétrodiffusé par les molécules ou les particules. C'est cette information de ranging qu'il y a dans le terme LIDAR. Voilà. Donc on a une information sur toute la colonne d'atmosphère qu'on va sonder. Donc on est capable de dire à telle ou telle altitude, on a tant de concentration d'ozone, on a telle température ou on a telle vitesse de vent. Donc typiquement dans Aeolus, pour mesurer un décalage Doppler, donc induit par la vitesse des molécules et des particules. Il faut savoir que ce décalage est très très très faible et donc il faut des techniques optiques très particulières pour les mesurer. Alors ici on rentre dans le laboratoire où sont installés plusieurs systèmes LIDAR sur lesquels on travaille. Alors là c'est le LIDAR qui est embarqué sur avion, c'est une application de sondage de l'atmosphère terrestre. Et celui qui est là-bas, ce serait plutôt pour faire mesurer le vent à la surface de Mars. Alors, il y en a de partout. On a tout en éclaté là. On a tout en éclaté pour la simple et bonne raison que je suis en train de le démonter entièrement pour le stocker ailleurs et faire des manips ailleurs. C'est vraiment, là on a un prototype labo, on voit typiquement la source laser. Donc le signal est émis à partir de ce bloc-là. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On vient exciter un cristal qui est le milieu amplificateur. Et donc là, c'est un laser. Alors c'est un laser impulsionnel, donc qui émet des pulses à une fréquence de 100 Hz. Il fonctionne dans l'infrarouge à 1064 nanomètres. Il est l'énergie près de l'ordre de la 20 millijoules. On passe donc à travers, donc là c'est vraiment l'oscillateur, ici c'est un amplificateur, et ensuite le signal via deux petits miroirs de renvoi est émis directement dans l'atmosphère ici. Là on a un autre type de LIDAR, alors ça c'est le LIDAR LNG aéroporté. C'est donc beaucoup plus grandes dimensions là, beaucoup plus gros. Ah oui, tout à fait. On dimensionne en fonction de la place qu'on a. Et là, de la même façon, la lumière sort donc par ici et renvoyée via deux petits miroirs. Donc ce miroir est un peu plus gros pour collecter plus de lumière rétrodiffusée par l'atmosphère, renvoyée dans ce télescope. Ok. Et ensuite, ici, on a toute l'acquisition, la partie analyse spectrale et acquisition, c'est-à-dire détection. Conversion d'un photon en signal électrique, en électron. Est-ce que vous ferez partie des chercheurs qui traiteront les données envoyées par le LIDAR sur Aeolus ? Non, je suis un ingénieur, donc mon rôle, ouais, c'est plus de conception, de fabrication du système LIDAR. Mais on travaille souvent de concert avec les scientifiques pour comprendre leurs besoins, justement, c'est très important. On essaye de traduire leurs besoins scientifiques en faisabilité technique. En tout cas, je vais participer, pour répondre un peu plus précisément à propos d'Alana, je vais participer aux campagnes d'intercomparaison qui auront lieu depuis le sol, donc depuis les observatoires du Maïdo et de l'observatoire de Haute-Provence, puisqu'on a deux systèmes de LIDAR vent. Voilà, donc je vais suivre activement ces campagnes de calibration. Aladdin, oui, c'est le nom de ce LIDAR qui est embarqué sur Aeolus, Aladdin pour Atmospheric Laser Doppler Instrument. Voilà un peu à quoi ressemble un LIDAR, comment ça fonctionne dans le laboratoire, comment c'est assemblé, quelles en sont les différentes composantes. Jean-Pierre Caillou, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Ce qu'a dit Jean-François est assez proche de la structure du LIDAR Aladdin. Un LIDAR se compose basiquement d'un émetteur laser, d'un télescope pour l'émission et pour la réception, deux détecteurs et d'une chaîne de traitement de signal. Donc le schéma global est le même. Après, les principes de détection sont différents selon la variable que l'on cherche à mesurer, à savoir soit la vitesse ou soit la quantité d'aérosol ou de quantité de gaz sondé. Une réaction, Alain Dabas, également à ce reportage qui décrit finalement assez bien l'instrument en tant que tel. Et puis, on va essayer de comprendre maintenant comment il est appliqué et comment il est décliné justement dans sa version en orbite dans Aeolus. Oui, alors la réaction que j'ai, c'est de préciser la longueur d'onde. Nous, c'est 355 nanomètres. Alors, hormis le fait que c'est tout petit, peut-être que ça n'a pas beaucoup parlé aux gens, mais c'est dans l'ultraviolet. Mais là où je voulais en venir, c'est que pourquoi on utilise une longueur d'onde aussi petite, plutôt que par exemple la longueur d'onde qu'on a entendue dans le reportage de 1064 nanomètres? Parce qu'on veut faire des mesures, être capable de faire des mesures sur les molécules d'air de l'atmosphère elle-même. Parce que dans l'atmosphère, des molécules, ça c'est sûr, on en a. Des particules, des aérosols, etc. Il y a des endroits, il y en a beaucoup, puis des endroits, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, en allant sur les molécules, on est certain de pouvoir faire des mesures à peu près partout, y compris en haute altitude. Alors pourquoi la longueur d'onde du coup toute petite? Parce que plus la longueur d'onde est petite, et plus on va avoir une diffusion intense sur des objets comme des molécules d'air. Voilà, ça me permettait de rappeler une spécificité d'Aeolus, de pouvoir faire des mesures sur les molécules d'air. Directement, donc de ne pas avoir effectivement besoin d'aérosols ou de particules en suspension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, Jean-Pierre est-ce qu'il y a un vrai défi technique, par exemple, à mettre un LIDAR en orbite par rapport au LIDAR que l'on connaît qui fonctionne à la surface de la Terre? Alors, le défi est très grand. Il est à la fois de réussir à satelliser un laser et de réussir à satelliser plus l'instrument de détection. Le laser, tout d'abord. Le laser est un instrument assez fin qui demande des alignements très précis. Le fait de pouvoir subir le vide, les vibrations du décollage, les températures, les variations de température, est déjà un défi technique. Ensuite, le problème, c'est qu'un laser, c'est un instrument qui n'a un rendement relativement faible. C'est inférieur à 1%, c'est-à-dire que pour un laser de 10 watts, il va falloir embarquer 1 kilowatt. 1 kilowatt, ça veut dire qu'il va falloir au moins 1 kilowatt de panneaux solaires. Et une fois que ces 1 kilowatt auront alimenté le laser, il faut que les 99% qui sont de la chaleur puissent être évacués. Donc, le laser étant un instrument à faible rendement, la fabrication globale d'un satellite intégrant un laser est un défi technique. Du coup, peut-être, on peut aussi préciser quelque chose, Alain Dabas ou Jean-Pierre Cariou, je ne sais pas qui veut s'y coller, mais ce défi technique d'envoyer un LIDAR en orbite pour mesurer, pour faire ces mesures très précises des vents terrestres, c'est une volonté européenne très forte, et d'autres nations spatiales ont baissé les bras bien avant l'Europe qui a persisté, qui a continué pour aller jusqu'au bout de cette mission. Alain Dabas. Ah oui, c'est tout à fait le cas. Il y avait des projets côté notamment américain. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'études pour essayer de voir comment on pouvait faire. Et puis, il n'y a jamais eu de décision de partir dans des phases avancées, non seulement de conception, mais de développement, comme l'a fait l'Europe à la fin des années 90. Oui, puisque le début de la mission Eolus, c'est 99, je crois. Jean-Pierre Cariou, justement, sur cette victoire scientifique européenne. Alors, oui, tout à fait. Les progrès ont suivi les développements des technologies à partir du laser à gaz CO2, puis le laser à 2 microns, puis ensuite on est arrivé au laser UV. Les évolutions ont suivi l'évolution de la technologie. Mais... Oui, les lasers ont évolué et donc on disait mais l'Europe a continué. L'Europe a continué et l'Europe a vraiment été très pertinente et a insisté sur le développement de cette technologie laser UV qui, comme le signifiait Alain Dabas, est la seule qui peut permettre de mesurer le vent jusqu'à 30 km d'altitude sur les quelques molécules résiduel. Donc maintenant qu'on mesure bien ce qu'est cet instrument et ce que constitue le défi technique de cette mission Eolus, concrètement, Alain Dabas, comment ça marche ? C'est-à-dire comment est-ce que ce LIDAR va permettre de modéliser, comment il va permettre de modéliser ces vents de manière fine ? Quel type d'informations on va pouvoir espérer de cette mission Eolus ? Là, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le satellite tourne autour de la Terre, c'est une orbite polaire. Jean-Pierre disait tout à l'heure que c'est un instrument qui avait besoin de pas mal d'énergie. Et donc il a un panneau solaire qui regarde constamment le Soleil, donc ça implique une orbite polaire. Et à chaque fois qu'il passe au-dessus du pôle, il va transmettre ses données. Donc une orbite, c'est 90 minutes, à peu près. Donc toutes les 90 minutes, le satellite transmet ses données. Et ces données, à ce moment-là, sont très très vite diffusées auprès des centres météorologiques qui vont vouloir les utiliser. Et donc, très très vite, elles vont être traitées très rapidement et très très vite, elles seront disponibles pour faire de la prévision. Donc ça, c'est une optique très prévision. Il faut être rapide et pouvoir utiliser les données rapidement donc pour définir un état initial et enclencher une prévision. À plus long terme, on peut, c'est un peu tôt évidemment pour imaginer tout ça, mais il est assez évident que on va avoir des séries de mesures de vent, y compris dans des zones où on n'en a pas forcément beaucoup aujourd'hui. On va avoir ça sur une durée de 3 années, c'est la durée nominale de la mission. Et donc on va faire des choses, j'allais dire toutes bêtes, on va regarder quels sont les vents qui ont été mesurés dans ces zones où on n'a pas forcément beaucoup d'observations par ailleurs. Comment ça se compare au modèle que l'on a ? Quels sont les écarts que l'on a entre les deux ? Et à partir de là, on enclenche une démarche de recherche. Il y a une différence que l'on ne comprend pas, on cherche à l'expliquer. Et donc, petit à petit, on améliore la compréhension du fonctionnement de l'atmosphère. Cette amélioration de la connaissance, on la répercute dans les modèles météo. On les rend plus performants, plus proches de la réalité. Et donc, on améliore les prévisions. Et sur le long terme, on améliore aussi notre connaissance de la machine climatique. C'est-à-dire que concrètement, on va obtenir des sortes de coupes en 3 dimensions, c'est ça ? On va avoir vraiment tout à fait les coupes des 6 éléments du vent, Jean-Pierre Cariou ? Alors, la résolution est effectivement un peu hachée, dans le sens où une mesure fait au mieux 50 km de résolution sur la Terre. Et chaque trajectoire du satellite est distante de la trajectoire d'à côté de 200 km. Donc on a des données qui sont parcellaires, mais qui sont du même ordre de ce qui est nécessaire pour nourrir les modèles à grande échelle. Donc la mission a vraiment été adaptée aux besoins des modèles. Et puis enfin, pour le moment, c'est cette résolution-là, mais j'imagine qu'au fur et à mesure, plus les données vont rentrer, plus la grille, plus les trous dans la raquette vont se réduire, Alain Dabasse. Oui, alors les résolutions quand même, à un moment donné, on va tomber sur une limite. On a dit qu'il y avait peu de photons qui revenaient, qui étaient collectés par le télescope. Effectivement, il y en a peu, donc à un moment donné, si on diminue le temps d'intégration de la mesure, on va arriver à un stade où de temps en temps il y aura pas de photons du tout qui arriveront, donc on pourra plus faire de mesures. Aujourd'hui, donc on n'améliorera pas beaucoup les résolutions, 90 km en horizontal et entre 250 mètres à 2 km sur la verticale. Mais on va combler donc des vides, des trous dans la raquette, parce qu'on va faire des mesures là où jusqu'à maintenant on n'en avait pas. Je voulais juste essayer de faire un parallèle sur la puissance émise et la puissance reçue. Une impulsion laser, c'est à peu près 1 milliard de milliards de photons. Bon, ça paraît beaucoup. Et en gros, sur les couches les moins denses, on va en recevoir un millier. Donc avec une perte absolument énorme. Et donc c'est la sensibilité de la détection et la qualité de l'instrument est vraiment primordiale. Mais alors une question, comment est-ce que Eolus peut être sûr que le signal qui lui est renvoyé est bien le signal qu'il a émis et que ce ne sont pas des photons qui sont réfléchis de notre source ou de notre forme de réflexion de l'atmosphère? Alors la longueur d'onde émise est très très précise avec ses 355 nanomètres avec une très bonne précision. Et devant le détecteur, il y a un filtre qui va éliminer toutes les autres longueurs d'onde venant du Soleil, venant de la Terre, aux autres longueurs d'onde que celle qui a été émise. Donc les photons que l'on reçoit sont forcément sont les bons. Ceux qui ont été émis. Alain Dabasse, à ce propos. Oui, alors je rajoutais une chose. Quand on fait fonctionner un LIDAR à 355 nanomètres, par exemple depuis le sol, si on le fait fonctionner deux jours, effectivement, on verra que la qualité du signal est moins bonne. On dit que le rapport signal sur bruit est plus faible, tout simplement parce qu'il y a de la lumière ambiante. Eolus a été fait pour regarder systématiquement dans le côté sombre de la planète Terre, la partie qui est dans la nuit, donc pour justement éviter qu'il y ait de la lumière ambiante. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le télescope a un champ de vue très étroit. Alors bien sûr, on pourrait imaginer que quelqu'un, à un moment donné, depuis le sol, s'amuse à pointer un laser UV en direction de... À 357 nanomètres de longueur d'onde, ça commence à devenir un peu... Oui, les probabilités chutent, quoi. Ça va devenir très technique. Voilà. Les probabilités chutent un peu. Le satellite, il va très vite quand même aussi. Donc donc la probabilité est extrêmement faible. Jean-Pierre Cariou. Oui, le satellite tourne à 7 km par seconde. Donc c'est difficile à viser. Sur les limites, j'ai lu que les problèmes sur les lidars au sol, c'est que les lectures pouvaient être troublées par la pluie notamment. Est-ce que c'est aussi le cas de Aladdin, Alain Dabasse? Alors oui, je vais préciser. Quand il y a à un moment donné le matériau qu'on traverse, donc pour nous c'est l'atmosphère, mais l'atmosphère avec ou pas des nuages, plus ce matériau est dense et plus on va avoir une atténuation rapide du faisceau laser. Le faisceau laser, il va pas pénétrer très loin. Alors pour que les gens comprennent, c'est ce qui se passe quand vous êtes dans le brouillard. Si vous allumez vos phares dans le brouillard, vous ne voyez pas beaucoup plus loin parce que de toute façon, la lumière est essentiellement réfléchie et va pas plus loin dans le brouillard. Donc là, c'est un peu la même chose. Alors, donc ça, c'est effectivement une limite propre à la technologie optique. On va faire des mesures, en gros, depuis le sommet de l'atmosphère jusqu'au premier nuage dense que l'on va trouver. Donc on n'ira pas systématiquement jusqu'au niveau du sol. Alors il y a quand même des études qui avaient été faites justement pour savoir à peu près jusqu'où il fallait s'attendre à avoir des mesures. Donc il y a quand même des systèmes nuageux effectivement plutôt denses et là on ne verra pas au-dessous. Et puis il y a des systèmes nuageux où l'on a alors certes des nuages, mais entre les nuages, on le voit assez souvent d'avion d'ailleurs, on voit qu'entre les nuages il y a des trous. Donc il suffit qu'il y ait quelques tirs lidar qui passent et s'il y en a suffisamment, on pourra quand même aussi faire des mesures. Mais oui, fondamentalement, on traverse pas les nuages, hormis les nuages de très haute altitude qui sont des nuages de glace et qui atténuent peu le signal. checks or in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering all down the street. Footprints dressed in red. And the wind, it whispers. Cries Mary de Jimi Hendrix sur France Culture à 16h40 bientôt, puisque nous parlons de vent et notamment de ce que la nouvelle mission européenne Eolus va pouvoir nous en apprendre. Elle a été lancée le 22 août dernier. Nous en parlons avec Jean-Pierre Cariou qui est ici avec nous dans les studios de France Culture, qui est directeur de recherche scientifique et technique chez Léosphère, qui est l'un des leaders mondiaux sur le secteur du LIDAR pour l'énergie éolienne et la météorologie, et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Alain Dabas, qui est directeur du groupe de météorologie expérimentale et instrumentale du Centre National de Recherche Météorologique, qui est un groupe de recherche mixte Météo France CNRS. Donc on a dit dans la première partie de cette mission qu'il y avait encore effectivement des zones du globe où on connaissait mal la nature des vents, leur comportement, les pôles, l'équateur, et notamment dans la haute atmosphère, Alain Dabas. Hein, c'est vrai que l'un des résultats qu'on attend le plus impatiemment de cette mission Eolus, c'est de comprendre ce qui se passe aux alentours de 20 à 30 km d'altitude et comment les vents ici se comportent. Oui, alors on avait dit tout à l'heure qu'on avait des schémas, c'est-à-dire qu'on s'attend à trouver en moyenne des circulations de tel type à ces altitudes. Mais je disais qu'elles sont peu observées, sont observées avec quelques ballons sondes. Les avions, des avions qui montent à 20 km, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des expériences qui sont faites aussi, alors là, beaucoup par le CNES, par exemple, en France, avec des ballons stratosphériques, donc que l'on envoie. Alors, en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup à partir de stations qui sont sur l'équateur. Bon, et on les laisse dériver à des altitudes autour de 20 km. Et pareil, là, on peut mesurer le vent et puis d'autres paramètres météo. Mais à part ça, on connaît pas grand chose. Enfin, on observe pas grand chose. Si on a des modèles. On a des modèles. Alors là, on sort un petit peu peut-être du cadre de la prévision météo, en tout cas, si on envisage à quelques jours d'échéance, on est plutôt dans la compréhension de la machine climatique. Évidemment, on se pose des questions par rapport aux évolutions du climat. Est-ce que ces circulations vont évoluer ou pas? On s'attend, par exemple, les modèles climatiques ont tendance à montrer que, par exemple, la cellule, alors on n'a pas donné son nom tout à l'heure, mais c'est la cellule de Hadley. Mmh. Donc c'est cette cellule qui redistribue, en gros, l'air chaud de l'équateur vers les latitudes plus élevées. Donc, c'est celle qui est le plus proche de l'équateur. C'est la première des trois cellules. Il y en a trois. Il y a la cellule de Hadley, il y a la cellule polaire tout en haut, et c'est Ferrel. Et c'est la cellule Ferrel qui est entre les deux. On va vous mettre un schéma, parce que pour bien voir tout ça avec justement les jet streams, le jet stream polaire et le jet stream subtropical, on va vous mettre sur le fil Twitter un schéma de la Terre avec tous ces grands courants aériens qui sont relativement bien modélisés et dont on parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Donc oui, allez-y, je vous ai interrompu, Alain Debasse. Donc, par exemple, la cellule de Hadley, il y a une cellule, une branche ascendante à peu près au niveau de l'équateur et puis une branche subsidente. À des latitudes de 30-35 degrés. Et les modèles de climat ont tendance à montrer que, dans le cadre du réchauffement climatique, cette cellule, elle pourrait s'étendre plus au nord. Mais plus au nord, qu'est-ce qu'on trouve chez nous? On trouve la Méditerranée. Et nous, on a une côte en bordure de Méditerranée. Et si, effectivement, cette cellule s'allongeait, eh bien, il y aurait des répercussions sur le climat de la Méditerranée. Alors, Éolus, en tant que tel, la mission va durer que 3 ans, donc c'est pas en 3 ans qu'on va mesurer des tendances qui sont des tendances réelles, mais petites. Et les deltas sont très petits, oui. Voilà, les deltas sont très petits, et puis le vent, c'est quelque chose aussi qui est très variable dans l'atmosphère. On a des images d'une circulation moyenne, mais à un jour donné, ça peut s'éloigner de ça. Enfin, il y a une variabilité naturelle importante, donc 3 ans, ça suffira probablement pas, mais on peut commencer à les étudier. On peut commencer à les comparer à ce que font les modèles. Et si on améliore les modèles pendant 3 ans, si on fait en sorte que les vents modélisés s'approchent mieux des vents mesurés, et à ce moment-là, ces mêmes modèles, on peut les faire fonctionner en mode climatique et regarder ce qui peut se passer dans le cadre d'un réchauffement climatique. Parce que pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de décrire, là, là-bas, c'est toute la complexité de la prévision météorologique, et pas seulement de la prévision météo pour savoir quel temps il fera dans 2 jours, mais de la prévision même à moyen terme, c'est de faire coïncider les relevés précis avec les modèles qui, eux, sont en général un peu plus souples ou un peu plus lâches, et de trouver finalement des adaptations de ces modèles à ces relevés. Et il y a des méthodes qu'on appelle de mise à l'échelle qui ne font pas consensus aujourd'hui dans la communauté météo, c'est cela ? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par méthode de mise à l'échelle, mais oui, un modèle météo. Alors, d'abord, ça résout des équations d'évolution d'atmosphère. Alors, ces équations, on les connaît assez bien, mais quand on cherche à résoudre une équation avec un ordinateur, on fait des approximations. Dans l'atmosphère, par exemple, la plupart des modèles, tous les modèles découpent l'atmosphère en petits cubes, et on fait par exemple l'hypothèse que la température, l'humidité, le vent à l'intérieur de ce petit cube est constant. Ce qui évidemment dans la réalité n'est pas vrai, mais on peut pas faire mieux que ça. Et ces petits cubes ont une certaine dimension. On aimerait bien les rendre de plus en plus petits. On en profite des évolutions des capacités de calcul des gros calculateurs pour ça. Mais aujourd'hui, avec une technologie de calcul que l'on a, on est limité. Et puis après, il y a d'autres phénomènes aussi qui peuvent dont même les équations finalement ne sont pas très bien connues. On peut avoir des schémas physiques, on peut dire voilà, ça va, telle chose dépend de telle autre, ça évolue comme ça, mais c'est issu d'observations éventuellement dans certaines gammes de fonctionnement. Si on pense au vent, par exemple, si on a beaucoup d'observations avec des vents relativement faibles, on va avoir tendance à imaginer à extrapoler et ensuite dire que les choses se passent de la même manière quand les vents sont forts. Mais c'est pas forcément vrai. Donc il y a des phénomènes qu'on connaît mal et qu'on cherche aussi à mieux représenter dans les modèles. Est-ce qu'une meilleure connaissance aujourd'hui de la structure et de la nature des vents terrestres va permettre aussi, outre les prévisions météo, peut-être dans une certaine mesure une meilleure anticipation de ce que l'on connaît de plus en plus et dont on a également beaucoup parlé ici même, à savoir des phénomènes climatiques extrêmes? Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a plusieurs exemples. Alors, lorsqu'Aeolus a été lancé, par exemple, il y a nos collègues du Centre européen de prévision météorologique à moyen terme qui sont allés rechercher dans leurs archives une prévision qui avait été mauvaise. Et ça concernait la Grande-Bretagne. Il y avait eu, je crois que c'est en 2013, mars 2013, des pluies intenses en Grande-Bretagne, mais intenses au point qu'il y avait eu des inondations. Et ça n'avait pas été, enfin, l'intensité des pluies n'avait pas été bien prévue, et ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et ils ont vu, en fait, que, on parlait d'état initial tout à l'heure, 6 jours avant, enfin, c'était une prévision à 6 jours, donc l'état initial qu'ils avaient 6 jours avant, eh ben, ils n'avaient pas bien prescrit une zone de vent fort sous les tropiques, en fait, au-dessus du Pacifique, en plus dans la zone tropicale, et à, je crois que c'était 10-11 km d'altitude, donc à un endroit, effectivement, on n'a pas beaucoup de données. Et ce déficit de connaissances sur le vent à cette altitude et dans cette région-là, pauvre en observation, qui a fait que l'événement, qui était extrême, n'avait pas été bien prévu. Après, on a d'autres cas. L'expression aussi, le battement d'aile d'un papillon à un bout de la planète, là, fait vraiment sens, puisqu'on parle de vents tropicaux dans le Pacifique et d'un événement climatique extrême en Grande-Bretagne. Voilà, et puis après, il y a d'autres exemples. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'une vague de froid qu'il y a eu en Europe et qui était due au fait au-dessus du pôle Nord, il y a un vortex polaire. À l'intérieur, il y a de l'air froid. Et puis, il y a une bulle qui s'est détachée de ce vortex polaire et qui a été amenée jusque chez nous. Alors je pourrais reprendre l'exemple aussi du centre européen. Ça, on sait que, enfin, on a tout lieu de penser que Aeolus aurait pu observer cette zone de vent fort qui n'était pas suffisamment bien détectée, cette bulle du vortex polaire qui se détache. Normalement, Aeolus, ça doit pouvoir les voir. Mmh. Donc, sur ces événements extrêmes, oui, on peut raisonnablement penser que là-dessus, ils seront mieux prévus. On aura une meilleure anticipation. Un mot également, puisque vous parlez justement de ces zones polaires et de ces zones tropicales qui sont mal connues aujourd'hui. Justement, Aeolus doit permettre vraiment d'avoir une meilleure compréhension, c'est-à-dire d'arriver vraiment à une forme de modélisation qui est jusqu'à présent très très compliquée ou très déficitaire à travers les modèles mathématiques. Oui, on peut penser que dans les zones où on n'a pas beaucoup d'observations, donc on a évidemment des connaissances qui sont fondées sur le peu d'observations que l'on a, et plus on aura d'observations et plus on va être capable de détecter des écarts entre ce que l'on sait et ce que la nature nous montre. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste un déficit d'observation pour ces zones-là, ou est-ce que ce sont des zones où les phénomènes climatiques, par leur position géographique, sont forcément plus extrêmes, donc moins anticipables et moins bien compris ? Là, j'aurais bien du mal à vous répondre. J'atteins ma limite de compétence. Oui, on ne peut pas exclure qu'il y ait, alors je pense notamment dans les zones polaires, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, on tombe sur un phénomène qu'on avait sous-estimé ou qu'on avait ignoré. Alors, on va revenir aussi à la prévision du climat. L'une des promesses d'Aeolus, c'est de passer d'une prévision aujourd'hui à 7 jours qui est, on va dire, dans les grandes largeurs relativement bien maîtrisées, alors avec beaucoup de guillemets, mais relativement bien maîtrisées, à une prévision jusqu'à 15 jours. C'est une promesse sur une mission de 3 ans qui est une promesse réaliste, Alain Dabas. Alors ça, c'est un chiffre qui est apparu à un moment donné, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais certainement pas de nous, non. Si c'était ça, on serait très très content et ce que ça a coûté serait justifié amplement. Il faut comprendre que les phénomènes climatiques, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la variance des conditions initiales, c'est exponentiel, donc à 15 jours, c'est énorme de doubler la capacité de prévision avec ce degré-là de certitude. Oui, tout à fait. C'est exponentiel. Donc effectivement, très très vite, pour aller plus loin, il en faut beaucoup plus. Aujourd'hui, on est sur une progression de la prévision. En gros, on dit on améliore la prévision d'une journée tous les 10 ans. Hein, c'est pour fixer les idées. Donc Aeolus, il ne va pas nous amener comme ça, par enchantement, de 7 jours à 15 jours. ça va être plutôt des améliorations. Alors d'abord, qui ne seront pas les mêmes partout à la surface de la Terre. Il y a des zones où l'amélioration sera plus sensible. Comme par exemple vraisemblablement les tropiques ou les pôles. Mais ça se comptera plutôt en heure ou en demi-journée. Alors c'est sûr que ça peut paraître pas énorme. Maintenant, ça se mesure par rapport à ce que l'on fait déjà. Vous citiez 7 jours. 7 jours, on prévoit des choses, mais pas forcément avec la prévision qu'il faudrait. Par exemple, on peut détecter, alors peut-être pas 7 jours, mais en tout cas 4-5 jours, on peut détecter une dépression sur l'Atlantique qui risque de terminer en tempête très très violente sur l'Europe. On va commencer à la détecter, mais à ce moment-là, on ne saura pas forcément où exactement elle va aborder le continent européen. Et donc, on ne saura pas quelles zones seront touchées. Elles sont plus ou moins vulnérables. On ne saura pas à ce stade-là où il sait qu'il faut prépositionner les moyens de secours, etc. Ça, on le saura beaucoup plus tard. On le saura aujourd'hui, peut-être, comme on sera une idée assez précise, 2 jours à l'avance, plus précise 1 jour à l'avance. Dans ce cadre-là, si on gagne une demi-journée, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour des moyens de secours, c'est énorme. Bien sûr. Ça permet de mobiliser un petit peu plus à l'avance et de positionner au mieux les moyens. Vous évoquiez tout à l'heure l'un des effets possibles qui reste encore à être confirmé par l'observation, mais du réchauffement climatique. On a entendu, et vous l'expliquiez très bien tout à l'heure, que le vent est lié aux écarts de température sur la planète entre le pôle et les pôles et l'équateur. On entend bien que si l'ensemble de la planète se réchauffe et comme les pôles se réchauffent plus vite que l'équateur, eh bien du coup le différentiel diminue. Ça a aujourd'hui des conséquences qu'on peut constater tous. Est-ce que Aulus va permettre précisément de quantifier ce delta, de quantifier la diminution de ce delta et donc éventuellement les événements climatiques qui peuvent s'en suivre? Alors je pense qu'Aulus seul, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une mission qui est de courte durée, s'il n'y a qu'Aulus et il n'y a rien derrière, probablement la réponse est non, parce qu'on va peut-être détecter des choses infimes, mais sur 3 ans seulement. L'échelle de l'évolution climatique est peut-être un peu plus longue. Mais il ne faut pas oublier qu'Aeolus, c'est une mission dite exploratoire. Et la première raison de cette mission, c'est de démontrer une technologie. Si cette technologie fonctionne, et aujourd'hui on a tout lieu de penser qu'elle fonctionne, et bien derrière, ça va coûter évidemment de l'argent et du temps, mais derrière, on peut penser qu'il y aura d'autres missions et qu'on va s'embarquer à ce moment-là sur une observation systématique sur non pas 3 ans, mais 10, 20, 30 ans. Et là, on est dans une position où là, on va commencer à voir ce qui peut se passer sur des échelles de temps climatique. Voir un réseau satellitaire pérenne qui pourrait cartographier justement en permanence les hautes couches de l'atmosphère et les modifications du vent terrestre, Jean-Pierre Carrion. Oui, tout à fait. Et avec après des jeux aussi où, dans d'autres domaines, ça peut se faire. Mais l'Europe construit un satellite, les États-Unis en ont un autre, la Chine en a un troisième, etc. Voilà. On rentre dans des logiques comme ça, on rentre dans des logiques opérationnelles où là, la technologie est là, on l'améliore, on la rend moins chère, on la rend plus précise, mais on assure une couverture permanente sur de longues périodes de temps. Jean-Pierre Carrion. Oui, ce qui est intéressant avec Aeolus, c'est que même s'il est à maille assez large, il couvre l'ensemble de la Terre. Et à côté des modèles globaux de vents, on appelle synoptiques, donc des vents à grande échelle, il existe des modèles à plus petite échelle, qui ont besoin d'avoir qu'on appelle les conditions limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur les bords de la grille du modèle, et Aeolus pourra renseigner ces points-là de façon plus fiable. Ensuite, le modèle à plus courte échelle, il ne sera pas renseigné par les données expérimentales d'Aeolus, mais il pourrait être renseigné par des lidars au sol. Les lidars au sol peuvent être disposés sur une grille assez large et donner un profil. Là, c'est à partir du sol jusqu'au nuage. Effectivement, c'est exactement l'opposé du lidar spatial, c'est qu'il ne voit que jusqu'au nuage. Mais la physique est beaucoup plus compliquée près du sol à cause du profil du terrain, de la rugosité du terrain. Et les lidars au sol complètent parfaitement des mesures possibles par satellite. Prenons par exemple l'État de New York qui s'est équipé d'une grille d'une vingtaine de lidars sur l'État de New York pour espérer améliorer la prévision après la tempête Sandy qui avait détruit la ville de New York il y a quelques années, s'est équipé d'un réseau de LIDAR terrestre pour améliorer ses prévisions. Un dernier mot, puisqu'on évoquait tout à l'heure, alors on vous a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission de l'émission que nous avions consacrée au phénomène climatique extrême. L'une des prévisions, ça n'est pas tant l'augmentation du nombre d'événements climatiques, mais l'augmentation de leur intensité et notamment leur déplacement. On a vu bien l'année dernière un ouragan arriver jusque sur les côtes européennes, ce qui était effectivement quelque chose d'assez rare. Notamment, vous parliez tout à l'heure de la remontée de la cellule de Hadley. On parle aussi de la remontée du jet stream subtropical vers le nord. Tout ça, ça fait partie des choses justement qui devraient être mieux envisagées, mieux comprises et donc mieux prévues à l'avenir grâce à Eolus et peut-être aux missions suivantes. Alain Dabas ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'objectif. Et même sur un événement particulier qui peut sortir un petit peu des clous. Justement, alors une tempête, un cyclone tropical qui est plus violent que d'habitude, et les prévisions sur le réchauffement climatique, c'est comme vous disiez, qu'on n'a pas forcément beaucoup plus d'événements, mais qui sont plus violents. Ça peut être des événements aussi qui, là aussi vous l'avez dit, géographiquement, sont pas forcément à l'endroit habituel. Bon, sur un événement particulier, Eolus, alors dans le cyclone lui-même, il va pas forcément, enfin il fera des mesures au-dessus. Dans le cyclone, il n'en fera pas forcément puisque c'est beaucoup de nuages, mais il va faire des mesures de contexte qui font effectivement qu'on va mieux le prévoir. Et puis, à force de comparer des prévisions avec des réalisations, avec des observations, on peut espérer qu'on va détecter, encore une fois, des écarts, chercher à les comprendre, améliorer le modèle. Tout à fait. Et un tout dernier mot, il nous reste juste quelques secondes. Là, depuis la mise en orbite, vous avez eu accès à des premiers relevés. On a déjà pu avoir pas seulement des comparaisons avec les modèles que vous évoquiez tout à l'heure, mais par exemple, sur le typhon qui vient de balayer le Japon à l'heure actuelle. Alors celui-là, pas ma connaissance, mais je me trompe peut-être. J'ai pas regardé toutes les données. On a des données. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'instrument, il est mis en route petit à petit et il n'est pas encore complètement étalonné. Il y a des réglages qui sont en cours. Donc on regarde les données aujourd'hui. Ce que l'on voit aujourd'hui, on le compare à des modèles, est plutôt très très très prometteur. Si on compare les cartes, il y a une corrélation très forte entre les deux. En revanche, bon, il y a des problèmes de biais, etc., qu'il va falloir régler, mais on est dans la phase de réglage de l'instrument. Eh bien, on va suivre cette phase de réglage et puis l'ensemble de cette mission Eolus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette mission et d'une meilleure compréhension des vents terrestres. Merci Jean-Pierre Cariou, merci également Alain Dabas, merci à nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse qui ont rendu le duplex possible. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Sidne Lezen-Tob, Umdenstock, Eve-Étienne, Noïm Naguet, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Clément Daté aujourd'hui à la technique. Et la suite de vos aventures dans la méthode scientifique, le prochain épisode c'est demain. Il sera question d'une nouvelle piste pour traiter certains cancers, l'hadronthérapie. C'est une nouvelle forme de radiothérapie qui permet de lutter contre certains cancers radio-résistants. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.